Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 601. L'album de la semaine, c'est l'album 33 and One Third, sorti en 1976. On écoutera True Love, Dear One, Beautiful Girl, This Song, Crackerbox Palace et Learning How to Love You. Ça va être drôlement bien. Il y aura également pour Paul McCartney Another Day, Isolation pour John Lennon, Only You and You Alone pour Ringo Starr. Et puis pour les Beatles, ce sera 1 après 909 sur l'album Ainsi soit-il. One after 909 sur Let It Be. Voilà. Pour le reste, eh bien, retrouvez-nous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et puis, on en parle. D'accord? Je vous souhaite une très, très bonne soirée. On va peut-être dépasser un petit peu les 22h aujourd'hui, exceptionnellement. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Bonne soirée à toutes et à tous. Soyez sur Facebook, le groupe La Saga des Fab Four. Dans quelques secondes, on commencera avec True Love. Chanson de Cole Porter, reprise par George Harrison en 1976. Bonne soirée, à nouveau, mais c'est à ce coup-ci, c'est la dernière fois que je le dis, au moins sur ce générique. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. Feels so sad, so lonely. as she posts another letter to the sound of fire. People gather around her and she finds it hard to stay alive. It's just another day. It's just another day. It's just another day. So sad. Every day she takes a morning bath to wet her hair. Wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Stepping into stockings, stepping into shoes, deeper than the pocket of her raincoat. Oh, it's just another day. Un tour de Paul McCartney sorti en 1971 et à ce moment-là même, en 1971, enfin un peu après, Monsieur Lennon, sur son album Imagine, avait dit « The only thing you've done was yesterday », donc la seule chose que tu aies faite, c'était « yesterday », and since you come, je sais plus, you're just another day, et depuis, enfin maintenant, t'es plus qu'un autre jour, t'avais fait hier, ben maintenant t'es un autre jour. Ouais, c'était de la haine méchante, c'était alors que franchement le destin a donné raison à Paul McCartney, il a eu une carrière absolument prodigieuse qu'il a encore hein, puisque on l'attend en France quand il veut Paul McCartney et quelle carrière avoir commencé dans les années 60 et en 2024 sortir encore des choses et rester une légende vivante, c'est extraordinaire. Merci Paul. Merci John, on te pardonne. Et puis tiens, voici John justement, avec Isolation sur RIG. 1970, sur Plastic Ono Band. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Isolation. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. The world is just a little town. Everybody trying to put us down. Isolation. To blame, you're just a human victim of the insane. afraid of the sun. My isolation. The sun will never disappear, but the world may not have many years. J'ai un truc à vous dire à propos de John Lennon. Vous savez, on en a parlé la semaine dernière de cet album Mind Games qui ressort en 6 CD, je crois. Un coffret de 6 CD, etc. Eh bien, je me suis laissé tenter, au moins sur iTunes. Je l'ai acheté pour une quarantaine d'euros en version minimaliste, quoi. Je n'aurai pas les dessins, les commentaires, les soucis, que parce que quelque part, je m'en fiche un petit peu. Et j'aurai la musique, ce qui sera déjà pas mal. Je l'ai fait pour vous, pour la saga des Fab Four. Bon, si nous passions à Ringo Starr. Ringo Starr en 1974 essaie de nous refaire la belle qu'il avait faite en 1973 avec son album Ringo. Ça marche un petit peu moins bien et pourtant les chansons qui sont contenues dans l'album Goodnight Vienna sont plutôt très bonnes. Elle commence par Goodnight Vienna, également écrite par John Lennon, et puis il fait des reprises, notamment une chanson des Platters, Only You and You Alone, mais à la façon Ringo Starr. La voici, la chanson. RG 90.7, la radio des Beatles. début de cette 601e émission, nous avons écouté George Harrison et True Love, qui est l'album de la semaine, 33 and One Third, pas facile à dire. Il y a eu Paul McCartney lors d'un 45 tours, Another Day, sorti en 71. Isolation sur l'album Plastic Ono Band de 1970 était chanté par John Lennon. Et à l'instant, Ringo Starr sur Goodnight Vienna en 74 avec Only You. Avant d'écouter les Beatles, faut que je vous parle de 2-3 sites vraiment très très sympas. Il y a le Maca Club pour tout savoir sur Paul McCartney. Vous pouvez également parler des Beatles, bien entendu. Mais McCartney, ça vaut quand même le coup d'oreille et le coup d'œil sur ce site-là, Maca Club. Il y a le yellowsub.net, sur lequel je publie maintenant mes affiches pour vous dire qu'il y a une saga à venir. Et j'espère que grâce à cela, on aura de nouveaux auditeurs qui vont se brancher sur 90.7 si vous êtes dans la région de Bordeaux ou sur www.rgfm.fr. Et puis, il y a le site international de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde. C'est beatlesmagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. L'album de la semaine, 33 and One Third. Pourquoi l'a-t-il appelé comme ça, George Harrison, en 1976? Eh bien, si vous faites le calcul, il est né en 1943, Donc globalement, suivant le mois pendant lequel est sorti l'album, il avait 33 ans et un tiers, peut-être, pourquoi pas, on n'allait pas chipoter pour le tiers. Et puis c'était aussi, rappelez-vous les anciens, la vitesse de révolution du vinyle, 33 tours, un tiers. Donc, pourquoi pas ce nom pour cet album-là. Un album enjoué, il semblait heureux, un peu moins en crise mystique. Voici en crise mystique, c'est vite dit, quand je vois le titre. Dear One, ça c'est un appel mystique, mais c'est une très très belle chanson. Il utilise les synthés d'une manière que les autres, ses autres collègues ne font pas. Je parle de Ringo, de John ou de Paul. Voici George Harrison sur RIG. singer has always been Paul McCartney. Paul McCartney, à l'instant, j'ai voulu vous passer la version longue de Letting Go, sortie en single en 1975. Je trouve que ça n'apporte franchement rien de plus. C'est un peu plus long, c'est ce que vous avez en plus. Sinon, il aurait mieux valu vous proposer la version de Wings Over America, parce que là, il y a de la pêche, là, c'est vraiment extraordinaire. Je vous conseille cet album live, Wings Over America, sorti un an plus tard, en 1976. C'est une tournée que j'aurais aimé voir, parce que quelle voix, quelle setlist, vraiment très, très, très, très bon. Bref, nous allons revenir à John Lennon, pas encore George Harrison, ça va venir. Mais John Lennon qui fait une chanson pour Yoko, de plus. Seulement, je l'aime bien cette chanson. Bon, ça s'appelle tout simplement Oh Yoko, mais c'est sur un rythme enlevé, c'est sympa. La voici, cette chanson. Elle est sur l'album Imagine, il me semble, si je me souviens bien. Je jette un petit coup d'œil. Mais oui, Imagine, en 1971. Pourquoi est-ce que j'ai douté ? Oh, si vous faites attention aux paroles, les paroles sont mignonnes. Au milieu de la nuit, je t'appelle, oh Yoko, mon amour va alors t'allumer ou peut-être t'exciter, je ne sais pas trop comment on peut le dire. Au milieu d'un bain, je t'appelle, oh Yoko, mon amour va t'exciter, notre amour va t'exciter. Voilà. Au milieu d'un rasage, j'appelle, je t'appelle, oh Yoko, voilà, comme d'habitude. Au milieu d'un rêve, je t'appelle. Oh, Yoko, au milieu d'un nuage. Alors, est-ce que c'est un nuage de fumée? Vous savez, les petits trucs, les petites substances? Oui, ça ne m'étonnerait pas. J'appelle, je dis ton nom, oh, Yoko, et mon amour va t'allumer. Bon, c'est mignon, oh, Arthur, voilà. Allez, les Beatles sont érigés par deux fois, l'album blanc, forcément. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. We're only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. dark black night. For this moment to arise, you are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Paul McCartney a dit au sujet de cette chanson Blackbird que à l'origine, lui et George Harrison, lorsqu'ils étaient jeunes, dans le bus notamment pour aller d'un endroit à un autre, quand ils avaient une guitare, il s'amusait à essayer de jouer du Bach à la guitare. Et ça faisait, alors je peux pas vous le dire, mais je peux pas vous le montrer, ça faisait une certaine sonorité. Il le prouve en ayant la guitare à côté. Et il a dit, globalement, si vous prenez ça et que vous le mettez à l'envers, ça donne, eh ben, ça donnait les premières notes de Blackbird. Voilà d'où vient l'inspiration, quelquefois, à Paul McCartney. De trois fois rien, mais c'est quand même très important. Et puis fallait y penser. Voilà. Et puis c'est lui qui tape du pied lors de l'enregistrement. Il était tout seul, il me semble, sur l'enregistrement. Bref, on revient à l'album de la semaine. Ah, avant de revenir à l'album de la semaine. Enfin si, je me comprends. Écoutez, suivez-moi. L'album de la semaine, c'est 33 and One Third en 1976. Nous allons écouter Beautiful Girl. Mais cette chanson, depuis les 50 ans de l'album All Things Must Pass, on sait, moi je le savais déjà depuis un moment, qu'elle a été créée en 1970 pendant les sessions de All Things Must Pass. Il l'a gardée 6 ans dans ses tiroirs avant finalement de la sortir. Voici donc la première version, la démo si vous voulez, la première prise de Beautiful Girl, et on enchaînera avec la version finale sortie sur l'album 33 and One Third. Et c'est sur RIG. Shaking inside, calling on me from deep within her eyes. Not the kind you go handing around, wanna keep her right there. But this loving may come as no surprise. Shaking inside, calling on me from deep within her eyes. Not the kind you go handing around, wanna keep her right there. But this loving may come as no surprise. can you go hanging around? Wanna keep her out there? And this loving may come as no surprise. Allez, on réfléchit un petit peu pour les paroles, on rajoute de la musique en plus. Voici la version finale. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. A passé Beautiful Girl de George Harrison. J'en profite pour envoyer le bonjour à Harrison, le fils de Julie Harrison. Vous savez, celle qui a fait un superbe livre Londres à tout prix, que je vous conseille d'acheter, de vous procurer, parce que c'est vraiment un premier roman qui est très, très, très, très bon. C'est juste comme ça, je vous le disais, juste de la pointe des pieds, sur la pointe des pieds. Je vous propose une actualité. Le 12 juin, Paul McCartney sort un album qui s'appelle One Hand Clapping, qui a été enregistré en 1974, mais qui ne va sortir que 50 ans plus tard, en 2024. Voici un nouveau titre, sorti déjà en avance, Hi, Hi, Hi, sur RIG. To my little place for a change. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? You made me cry when you said extraite du même album Rock and Roll, John Lennon sur RG. Deep in the heart of the chases of a guy of this bel album, cet album en 1975. Et ce qui est très étonnant, c'est que je m'en souviens, moi je suis arrivé à Bordeaux fin 76, début 77, je me souviens de la pochette de l'album Rue Sainte-Catherine dans un magasin de disques. Il était affiché, donc 2 ans après globalement. Voilà, souvenir de ma jeunesse. Ça n'a rien à voir avec... Si, c'est rien à voir parce que c'est la saga des Fab Four, mais petit souvenir comme ça que je suis en train de me rappeler. La suite de la saga, c'est encore Monsieur Paul McCartney et cette chanson extraite de l'album Flame Empire 1997, If You Wanna, sur RG. The trip. L'album de la semaine de cette semaine, c'est 33 and One Third de George Harrison, sorti en 1976. Lorsque George Harrison sort My Sweet Lord juste après les Beatles en 1970 sur l'album All Things Must Pass, il rencontre un grand, grand succès. D'ailleurs, ça a étonné tout le monde. On attendait certainement Lennon ou McCartney tout de suite après les Beatles. Et c'est George Harrison qui a marqué le panier le premier avec My Sweet Lord. Seulement, cette chanson ressemblait pas mal, même si il a réussi à s'en sortir pas mal lui, ressemblait pas mal à un hit des Chiffons qui s'appelait He's So Fine. He's So Fine, doulin, doulin. Enfin, ça reprend exactement le même air. Il prétend que c'est un plagiat involontaire. Ah ouais, quand même. Bon, il y a eu un énorme procès qui lui a coûté cher. Et du coup, en 1976, il décide de créer une chanson. Et globalement, dans la chanson, il dit « Cette chanson, elle va pas casser les briques, elle est en do, sol, machin. J'ai demandé à mon éditeur qui a dit « C'est ok ». Et il y a surtout un clip extrêmement drôle qu'il vous faut voir, puisque il est au tribunal, George Harrison, avec des menottes, si je me souviens bien, et il chante. Et il y a un gars des Monty Python, il y a Ron Wood, il y a peut-être Jim Keltner, je ne sais plus exactement, mais qui sont à la place des juges, etc., des gendarmes. C'est censé être drôle, et c'est drôle, c'est très bien. Et c'est une chanson sympa. Voici des sangs sans prétention, mais une belle chanson de George Harrison. Thank you. cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit du temps des Beatles, quand eux-mêmes reprenaient même aussi une chanson de quelqu'un d'autre, hein, ou leur chanson à eux. Ou même après les Beatles en carrière solo, George Harrison, j'en ai parlé au début d'émission, quand il reprend Cole Porter, par exemple. Bref, la cover, c'est une chanson chantée par quelqu'un de célèbre ou pas. Et là, il se trouve que c'est quelqu'un de célèbre, puisqu'il a été, il a fait partie des nombreux cinquièmes Beatles. Il est présent en 1969, pendant l'enregistrement de l'album qui deviendra Let It Be. Voici sa reprise à lui de All Things Must Pass de George Harrison sur son album Encouraging Words, sorti en 70. Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up and left you with no warning. It's not always gonna be this way. That doesn't last all evening. The mind can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not always gonna be this way. Mon avis, c'est la deuxième fois que je l'écoute, je l'ai acheté la semaine dernière exprès pour vous, je préfère largement la version de George Harrison. Mais enfin bon, il fallait que je vous propose une cover et j'avais décidé de vous proposer celle-ci puisqu'il y a longtemps qu'on sait que Billy Preston a chanté des chansons de George Harrison, en voici une preuve. Pour la suivante, vous savez, c'est quand je dis fils de ou ressemblant à, et ben là c'est le ressemblant à, et je l'ai trouvé sur yellowsub.net, merci à eux. Parce que c'est une personne qui s'appelle Gilles Pistil. Est-ce que c'est son vrai nom ou pas? Je ne sais pas, c'est pas grave. Il a voulu rendre hommage aux Beatles en chantant, en créant une chanson dans laquelle, un peu comme Ringo Starr le fait, il reprend des tas de paroles liées aux Beatles. Mais c'est très très bien fait, et ça, je vous l'ai déjà dit, si c'est très très bien fait, ça peut passer dans la saga des Fab Four. Voici donc pour la première fois dans la saga, En plein vol de Gilles Pistil. Vers l'univers, il appelle à l'aide sous un ciel de diamants. Sa vie déchasse et de morceaux revolver sous la pluie dans un champ de fraise. 64 ans, heureux anniversaire. Retiens par la main Lady Madonna, le fils de la nature est un homme riche. Il retourne sur sa colline dans un voyage magique et mystérieux, où chacun a des choses à cacher. Ici, là et partout, des mots d'amour t'attendent. Elle dit, rêve, qu'elle t'aime. Tu la veux 8 jours par semaine. Veux-tu connaître un secret? All you need is love. Ces petits cochons veulent nous dire quelque chose. Voici le soleil, sa lumière intérieure. C'est beaucoup trop pour son percepteur quand sa guitare gentiment pleure. Ringo va mieux grâce à tous ses amis. Il vit avec eux dans un sous-marin jaune. Ne néglige pas les poulpes et leur jardin par une dure journée de nuit. Dans nos cœurs solitaires, depuis hier, tout le monde est heureux de danser, tous ensemble. Oh, McCartney, à l'aise dans tous les styles. Même si là, il disait « She's got style », elle a du style. Il ne parlait pas de lui. Cette chanson-là, si vous avez raté le... Alors, j'allais dire 45 tours. Moi, je l'avais en CD. Donc, c'est pas une face B, c'est une chanson supplémentaire du single... c'était le single « Off the Ground » sorti en 1993. C'était Style Style qu'il ne fallait pas manquer parce que McCartney a cette foutue habitude de nous sortir des choses très très bien en dehors des albums qu'il faut absolument les acheter sinon, eh ben on rate. Et c'est dommage avec McCartney, il ne faut jamais rater rien. To get down on my knees. à l'heure, en 1971, John Lennon disait « Oh Yoko, ton amour va nous allumer tous les deux, blablabla ». Trois ans plus tard, en 1974, sur l'album Walls and Bridges, il dit qu'il est en perte d'amour, il est genoux à terre. Mais oui, parce que 74, ça correspondait à ce long week-end qui a duré à peu près un an, pendant lequel maman, alias Yoko Ono, avait dit à John « Tu files, va dans ton coin, je ne veux plus te voir pour l'instant, je te donne mes pingues ». C'était sa secrétaire, je crois, elle va s'occuper de toi, moi je me débrouille et salut. Et puis ils vont se réconcilier grâce à Elton John. Bon, à mon avis, c'était un petit peu truqué le truc. Je vous l'avais raconté 100 fois quand John Lennon lui a dit « Est-ce que sur cet album Walls and Bridges, il y a un titre qui t'intéresse ?» Il a dit « Oui, et whatever gets you through the night, à mon avis, ça va faire un hit. Et si ça fait un hit, tu viendras chanter avec moi dans un de mes concerts. » John Lennon a dit « Banco !» Eh ben, ça a fait hit. Du coup, il a chanté trois chansons. Il était, paraît-il, mort de trouille parce que, en 74, ça faisait longtemps qu'il n'était pas remonté sur scène. Et ça a marché. Et, comme par hasard, dans les premiers rangs, il y avait Yoko Ono. Et à partir de là, ils ont fait, allez, on se pardonne, on se remet ensemble et tout va bien. Et, messieurs, dames, vous savez mon opinion de Yoko Ono. En ce qui concerne l'amour entre Yoko Ono et John Lennon, il n'y a pas de problème. C'est très bien. Si Yoko Ono a rendu John Lennon heureux, c'est parfait. Et le contraire, John Lennon a rendu Yoko Ono heureuse, c'est très très bien. Bon, on ferme la page. L'album de la semaine, 33 and One Third de George Harrison, et ce titre, Crackerbox Palace, sur RG. C'est la saga des Fab Four numéro 601 que vous écoutez. On est ensemble jusqu'à un peu après 22h. Joy, crack the box, balance, oh man.

I dream all my dreams about you. Longtemps que je vous ai dit que Ringo Starr avait une période faible entre 1975 et puis début des années 80. Et en 81, il remettait un coup de collier, ça devenait meilleur. La preuve, c'est sur l'album Stop and Smell the Roses en 1981. Mais cet album, j'ai été obligé pour vous de le re-acheter parce que je l'ai acheté en import de façon à avoir des bonus tracks que je n'avais pas jusqu'à présent. Comme cette chanson Wake Up que je trouve très bien. Du bon Ringo Starr comme on l'aime. C'était sorti il y a 43 ans déjà. Qu'est-ce que le temps passe? Et que dire de ces deux chansons? Nous allons mettre une face A et on va retourner le disque. On va retourner le CD, c'est possible. La face A sortie en 1965 et ben du coup la face A aussi, car c'était une double face A à la même époque. Les Beatles sur RIG. Now Galley, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesmeur. Thierry Galley est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. La même chose dans deux chansons. On prendra un disque de 1966, et on mettra la face B, puisque c'est à nouveau deux faces A. Vous avez compris? Ben oui, les Beatles font deux faces A, c'est bien. Allez, avant-dernier ou dernier extrait de l'album de la semaine, et quelle belle chanson. C'est George Harrison qui nous propose Learning How to Love You sur RIG. Left alone. left alone with my heart, learning how to love

keep mopping her up. Yeah, she's my baby. Well, she's a baby in the morning time when the sleep is in her eyes and the world is waking up. She has arisen. Oh, believe me, I ain't lying. She's a woman. Skies. That's the time she changes back into a kitten. Oh, believe me, I ain't lying. She my baby. She comes out at night, taking me by surprise. Yes, my baby. Oh, like we made out of the last try. I keep mopping it up, yeah. She my baby. Cartonné par deux fois sur RIG dans la saga des Fab Four. D'abord avec Long Leather Coat en 1992 et puis à l'instant She's My Baby, extrait de At the Speed of Sound. Allez, on en fait un troisième, Ballroom Dancing sur RIG. Comme dernier titre de la saga des Fab Four, un petit peu rallongé, je vous propose ma chanson du moment, extraite du nouvel album de Ringo Starr, Gonna Need Someone. Je sais que vous l'aimez et moi je l'adore cette chanson. Excellent, Gonna Need Someone, extrait de l'album Crooks Boy de Ringo Starr, sorti là en 2024. Allez, on va arrêter là parce que demain, j'ai des trucs à faire. Vous avez remarqué, pas d'Eric, mais il se vengera bientôt. Vous le retrouverez très bientôt. Je pense qu'il vient la semaine prochaine, sinon c'est la semaine d'après. À moins que ce soit en 2025. Non, je rigole. À très très bientôt. N'oubliez pas la petite formule que je fais lorsque je sais qu'Eric n'est pas là. D'abord, je prolonge un peu si je le peux. Et puis, un petit bonus juste après le générique. À très bientôt. Bisous aux filles, moyennement aux garçons. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four numéro 601. Bye. unknown. Yeah, I was on holiday and I was just noodling around on my guitar and I was thinking about the days when I had a lot of free time and used to just sort of lie around basically doing nothing all day and getting a bit stoned and just doing nothing really, busy doing nothing. And so I'd got this little riff on the guitar and the words came to me, you know, I used to lie around all day, I used to get stoned, I used to like to get wasted, but these days I don't. So it's kind of, it's a song about growing up. You know, there's a period in your life or in some people's lives when they're not being as productive or not being as organized or disciplined as they may later turn out to be. So this was basically it. Things to do. Oh yeah.